tous uniques et égaux. Ça, là, nous sommes tous égaux, là. Qui disait ça? Pourquoi qu'on fait des minutes de silence dans l'Assemblée nationale? Ça vient d'où, ces affaires-là? Égaux, ça dépend ce qu'on veut dire. Ça dépend de quoi on parle. Ah. Mais bon, tu sais, il y a une affaire, moi, qui vient entre autres de l'anglicanisme, là, puis toutes sortes d'affaires, là, qu'on appelle le relativisme moral. J'ai bien de la misère avec ça. Bien de la misère avec ça. Le meilleur exemple qu'on peut donner, c'est ben, quelque chose de typiquement anglais, là. Robin Hood, Robin des Bois. Il vole aux riches pour donner aux pauvres. Hey, là! Que tu voles un riche ou un pauvre, tu voleras pas, point. Soit on est honnête, soit on ne l'est pas. Toute forme de relativisme, à un moment donné, m'écœure profondément. Parce qu'il y a une crosse dedans. Ça fonctionne avec l'intellect. On se coupe du ressenti puis du réel par l'intellect en relativisant, entre autres. Tu ne voleras pas. Ça, là, ça prête pas à interprétation. On s'est fait des héros qui sont des anti-héros dans le fond, puis on fait des protagonistes avec des antagonistes dans le fond, puis ça commence à être dangereux. Ça l'a tout le teinté. Ça l'a tout le teinté.